Allez, c'est reparti. nostri corde vocali. Sono il mio compagno, te lo richiamo, te lo mandando la vita. Il mondo animale è la mia forza di corde vocali. Peut-être que je parle pour ne rien dire, che quand tu m'écoutes, tu envie de rire. Même si le béton est ton avenir, dis-moi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Je le demande pour tous les animaux, que tu aies ta message de mes mots. Car mon pain de terre, une tige de roseau, servir à la croissance de tes mamans, servir à la croissance de tes mamans. Allez, c'est parti. Je crois que c'est en ré mineur. C'est toujours en ré mineur, mais bon. C'était sympa. Non, c'était pas du tout figé. T'inquiète pas, je t'entendais, je t'ai entendu, t'étais en son clair. Par contre, Gaviland, il est en mode écoute en ce moment. C'était clean, même au niveau de la... On va dire que c'est revisité, c'est un jam, hein. Pas de soucis. suis pas chanteur à la base, hein, mais c'est bon, ça défoule un peu, quoi. J'avoue.